Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous allons reprendre au milieu d'une fresque assez étonnante, une fresque remplie d'action, où le temps semble s'être arrêté. On y aperçoit les contours de ce qui semble être les ferrailles. On peut reconnaître les bâtiments du district en métal. Tout autour, des dizaines et des dizaines de silhouettes peintes de manière un peu floue, un peu brusque, qui s'entrechoquent. Et se dirige au niveau des éclats, des armes provoquées par les armes à feu, des fléaux. On comprend assez rapidement, en voyant notamment certains au sol en train de se faire frapper, qu'on est face à une véritable émeute. Au centre de ce tableau, de cette fresque, nous pouvons apercevoir la silhouette de Dobby au sol, en train d'agonir, la main collée contre la poitrine. Et le visage déjà dirigé en direction du sol. À l'ombre des autres silhouettes qui semblent surgir de la sienne en rond. Au loin, l'on aperçoit le port sur lequel se trouve une barque commandée par notre cher renard qui a complètement pété un câble après la mort de son maître et lance l'opération bien trop tôt. En effet, elle est en train de diriger la barque dans l'objectif de la bloquer dans le canal, ce qui est censé être la diversion que vont utiliser les frères de l'acier pour placer leurs explosifs. Vous savez globalement que vous n'aurez probablement qu'une seule chance, en tout cas, à vous de voir ce que vous devez faire. Quels vont être vos réflexes les quelques secondes, voire minutes, après le coup de feu? Je vous laisse me dire ce que vous faites. Est-ce que vous décidez de vous lancer à la poursuite de Renard pour tenter de l'arrêter? Est-ce que vous vous en prenez au fléau? Est-ce que vous tentez de stopper les ferrailleurs? De soigner Dobby? Est-ce que vous allez prévenir les grands chefs en leur demandant de lancer l'opération dès maintenant? Alors, grand chef, j'aurais proposé, moi, d'essayer d'aller au contact et essayer de soigner Dobby, enfin, de m'occuper de lui de tout de suite. Je vais t'aider pour Dobby. De toute façon, je suppose qu'on va split, hein. Bah, je pense ouais, ouais, bah, que ça va partir. Comme d'habitude. Bah oui. Moi, pour le coup, je vais quand même t'aider à te donner un coup de main pour soigner Dobby. Et je verrai comment ça évolue sur le reste, enfin, genre... Si je vois que ça devient vraiment urgent, je partirai sur autre chose, mais à tout de suite, je suis sur Dobby avec toi. Bah, alors moi, dans ce cas-là, je le dis aux autres quand même, je dis, moi, je vais voir les chefs, par contre. Ouais. Oui, on peut quand même vocaliser, et je valide fortement ta décision. C'est justement, je trouve ça cool qu'on puisse splitter. Je pense à... Pour une fois. Alors, du coup, Torik, qu'est-ce que tu fais? Je te dis, je vais m'occuper de Dobby. Ok, très bien. En priorité. Ok. Tu cours dans sa direction. T'arrives à te frayer un chemin assez difficilement à travers la foule. En train de hurler, t'entends le bruit du fer et du métal qui s'entrechoquent. Certains coups de feu étouffés, suivis de cris, de hurlements, de douleurs, mais également de rage. Le temps semble complètement s'arrêter face à toi. Tu arrives au niveau de Dobby, tu vois du sang couler absolument partout, et lui qui essaye de se contrôler, il convulse un petit peu. Il serre les dents extrêmement fort, ses dents qui se mettent à claquer, il a le bras en train de trembler. Il n'est pas en train de hurler ni de crier de douleur, mais tu sens qu'il a mal. Bah, je vais tout de suite aller au contact et essayer de voir, faire un diagnostic rapide de ses blessures l'urgence, quoi. Tu vas me faire un test d'intellect médecine. Tu as 7 dés. Deux réussites. Malheureusement, pour l'instant, t'as du mal, tu te sens un peu perdu toi-même. Bah, je suis un peu c'est le genre de grosse blessure. Tu sais pas trop globalement ce qu'il faut faire, autre que les gestes de base. Donc en effet, appuyer sur la plaie, éviter qu'il se vide de son sang. Ça, je pars du principe que tu fais tout le béaba nécessaire. Malheureusement, tu sens que la blessure est vraiment vilaine. Est-ce que du coup, t'es venu avec moi, Flux? Ouais. Et Flux en effet juste à côté. Du coup, ce que je voudrais faire, donc je vais déjà faire les premiers secours tout de suite, essayer de colmater, enfin au niveau des saignements, pour essayer de juguler s'il y a une grosse perte de sang, faire un petit peu le tour de voir, voilà. Mais il faudrait qu'on le déplace parce que là, on peut pas rester ici. Essayer de trouver un endroit plus calme pour que je puisse vraiment, parce que là c'est trop le bordel, je peux pas me concentrer, il y a les gens partout, qu'on essaie de s'éloigner de ça et de le déplacer, mais vraiment très précautionneusement pour pas aggraver trop ses blessures et le mettre à l'écart, quoi. Bah moi je suis là pour donner un coup de main, comme dit, moi je suis là pour Dobby, donc... Ok. Bon bah du coup on le déplace. Ok, vous essayez de vous frayer un chemin. Ouais. À travers la foule. Pendant ce temps-là, on va passer auprès de Jacques. Pour répondre à ta question, Mokosh, pour l'instant, Renard va simplement bloquer le pont. Les explosions du pont, c'est demain. Enfin, du coup, si on part du principe que l'opération démarre aujourd'hui, ça arrive demain. Là, pour l'instant, c'est juste bloquer l'arrivée d'eau pour que les fléaux soient bloquer le canal, pardon, pour que les fléaux soient obligés de déplacer la barque et du coup pouvoir planquer les explosifs discrètement à l'intérieur des casernes, s'infiltrer dans les casernes et pouvoir planquer des explosifs. Ok. C'est quel pont ? Alors, mais du coup, le pont en question, c'est le pont de Cour à Argent. Et de c'est celui qui... Okay. Voilà, c'est exactement celui-là. Okay. C'est celui qui relie Cour à Argent. Okay. Donc là, elle se trouve... elle est en train de traverser le port du Nord à toute vitesse, mais de loin, quelqu'un qui ne serait pas le plan qui est en cours ne remarquerait rien d'anormal, ouais. À part juste quelqu'un qui... Peut-être un peu chaotique au pilotage. Ouais. Je précise aussi que j'ai sûrement suivi Jacquard, je pense. Ok. Histoire de savoir ce qui va se passer après. Petite question. Mm-hmm. On est d'accord que, du coup, il n'y avait pas de représentant anabaptiste à la dernière réunion en fait, Mokosh était... Non, il n'y avait pas de représentant anabaptiste. Vraiment ? Si tu veux, je peux te refaire le résumé de toutes les personnes qui étaient là. Je suis au contrôle. Bah, il y avait le juge noir, il y avait Mirage et Dobby. Alors, et c'est tout, en non effet... Non, il y avait aussi la nuit du phénix. Ah oui. Alors, ils sont là. Ils sont des traîtres. Surprenamment. Nous avions donc Mirage, en effet, le juge noir Arville. Nous avions Facteur, qui était le bras droit de Mirage. Qui est un traître. Ok. Nous avions... Également Crotal, Albatre, ainsi que un homme de main équipé d'un sniper. Ok, très bien. Bon, c'est noté, merci. Pas de soucis. Donc qu'est-ce que tu fais du coup exactement ? Bah, on va se rendre au point de rendez-vous où on était, où on a rencontré tout le monde, en espérant que tout le monde soit encore là. Ok, vous commencez pareil. Vous commencez à vous déplacer dans le dédale. Vous arrivez à quelques balles à un moment qui sifflent au-dessus de vos têtes. À un moment, vous voyez le casque d'un fléau rouler jusqu'à vos pieds, et ensuite un corps tombé. À côté, un ferrailleur à moitié inconscient qui s'est fait dégommer le crâne à coups de crosse. Les points qui commencent, enfin vraiment une vraie émeute tout autour de vous. Clairement, il y avait trop de monde réuni au même endroit. Il y a un symbole qui s'est fait attaquer. Un symbole du coup que vous aviez construit, que Dobby avait construit. Et vous finissez par rentrer à l'intérieur du dédale. À l'intérieur, vous voyez tous les frères de l'acier complètement paniqués. Ils commencent à être désordonnés. Et vous avez quelques gars un peu plus haut gradés, même s'ils n'ont pas une vraie hiérarchie, mais c'est plus des grades, on va dire, de direction, qui viennent vous voir et qui disent « Qu'est-ce qui se passe dehors ?» Il y a une émeute, les fléaux ont essayé de détruire, enfin, ont détruit la tyrolienne qui relie les ferraillis à en face. Dobby a été gravement blessé, il est complètement inopérationnel. Le navire a été envoyé bien trop tôt en train de bloquer le fleuve. L'opération doit commencer. L'opération doit commencer. Plutôt. Maintenant. Il faut aller voir les chefs. Tu vois que quelques secondes d'après, oui, finalement très peu de temps après, ils vous conduisent là où vous vous trouviez plus tôt. Il y a moins de monde qu'avant. Vous retrouvez plus que les frères de l'acier, d'ailleurs, que j'ai oublié de reciter tout à l'heure, mais évidemment qui étaient à la réunion aussi. Donc on parle de Nestor et de Eisenhower. Mais aussi de Mirage. Vous voyez qu'ils commencent à paniquer un peu. Mirage qui a le front en sueur. Non, c'est pas celle-là. J'imagine que vous leur répétez ce que vous venez de dire. Oui. Oui. Évidemment. J'ai perdu ma meilleure musique. Elle a été strike. Repose en paix. Vous pensez qu'on n'a pas le choix ? Ils sont combien dehors ? Soupir Mirage en relevant la tête dans votre direction. Elle a impossible. L'air de vous prendre au sérieux. Impossible à dire, il y a une insurrection généralisée des ferraillis. À coup sûr, toute la garde des fléaux va être mobilisée. Vous voyez qu'elle commence à péter un câble. Elle commence par donner un coup de poing au niveau de son espèce de table. Et ensuite, elle commence à s'énerver. Bordel de merde ! Et elle fout une espèce de coup de bras. Et on voit jaillir plusieurs des espèces de maquettes qui s'y trouvaient, qui représentaient la ville. Ça peut pas foirer maintenant ! C'est pas grave. Il faut qu'on suive le plan. Il faut que ça passe. Ça doit marcher. On peut plus faire marche arrière maintenant. Il faut que vous alliez retrouver Renard. Je pense pas qu'on aura spécialement le temps de cacher les explosifs. On va prendre d'assaut la caserne. On risque de perdre des hommes. Il va falloir quelqu'un pour guider l'assaut. Très bien. Vous vous rappelez de ce que vous aviez à faire ? Facteur, rappelez-leur. Vous voyez qu'il commence à partir, qu'elle commence à donner des ordres à droite, à gauche. Il y a Facteur qui arrive, il bégaye un petit peu, lui, il est un peu moins confiant, et lui, il perd encore plus le contrôle. Alors, nous avions donc convenu que Torik devrait, avec les médecins, s'occuper de soigner nos blessés. Et vous, de votre côté, vous étiez censé destituer Vérican pour éviter que ces hommes ne rejoignent la bataille. Est-ce que vous vous en sentez capable? Il faudra refaire le tour, vous avez des hommes. Ça risque d'être compliqué. Au-dessus de vous, vous commencez à entendre de plus en plus de bruit. Presque, vous avez les cohortes, les légions de frères de l'acier en train de sortir des ferrailles qui sont à l'étage juste au-dessus. Et vous entendez tout le bruit tonitruant des gens qui courent. Vous avez de la poussière qui passe un peu à travers leurs pas à chaque fois. On a l'impression que l'édifice entier va s'écrouler. Bon bah Mokosh, tiens, viens par là. Je m'approche. Est-ce que tu peux t'en occuper toute seule? Si je te passe mes gars. C'est faisable. Ok. Vas-y, bah fais ça. Très bien. Juste une dernière chose à faire avant qu'on parte. Ah, moi aussi. Donc, Est-ce que c'est au sujet de l'apprenti chroniqueur là ou pas? Non, moi j'aimerais plutôt voir le maître. Ah d'accord. Enfin, la maîtresse. Bon bah chacun de son côté. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je vais rester sur vous et on repassera okay. Flux et Toric juste après. Bah, j'imagine que Jacquard, de toute manière, veut être seul avec sa... Avec Mirage, ouais. Avec Mirage, donc je vais faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que je vais aller m'approcher de Facteur. Mm-hmm. Et en fait, je vais poser mes mains sur ses épaules. Mm-hmm. Et je vais lui dire, dis-moi, ce serait pas toi qui aurais laissé passer l'information de ce qu'on préparait? Tu vois qui te regarde et qui dit, comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je t'ai trouvé particulièrement entiché de cette apocalyptique de la nuée. C'est ridicule, arrêtez, s'il vous plaît. Le temps est grave, nous n'avons pas le temps pour plaisanter. Je ne plaisante pas. De toute façon, cette opération n'est pas la vôtre. Tu vois qu'il pose sa main sur la tienne comme pour essayer de la retirer de son épaule. Évidemment, je vais faire... Je vais ne pas bouger, hein. Il va falloir qu'il se batte avec mon bras s'il veut le retirer. Mais je vais simplement lui dire... Écoute, soit tu parles, soit tu disparais. On peut parfaitement se débrouiller sans le centre de commande pathétique que tu es. Tu vois comme il y a un petit peu cette sensation étrange que vous êtes dans une bulle malgré, comme dit, tout le côté un peu jouant Tony Truant autour. Le fait que tout le monde actuellement soit globalement à peu près en train de paniquer et d'être en train de faire un truc qu'ils avaient prévu de faire dans une semaine, et donc que les informations que vous venez d'apprendre il y a quelques heures n'ont pas été communiquées aux autres, donc aux sous-fifres hein, globalement on va dire, fait qu'il y a plein de gens qui courent globalement un peu à droite à gauche à quelques mètres, mais que personne ne se concentre sur ce qui se passe. Et tu le vois jeter des regards un peu à droite à gauche comme pour chercher de l'aide, et réalise que absolument personne ne prête attention à ce qu'il est en train de faire. Tu vas me faire un jet de psyché domination. Okay. Tu as 4 dés, mais je vais t'autoriser un dé bonus, donc tu as 5 dés en tout. Ouais. Deux réussites, dont un déclencheur. Combien de réussites? Deux réussites. Ok. Alors, tac. On va faire ça bien. Je me permets, je vais retrouver sa petite fiche. Le voilà. Je vais donc faire sa test, sa défense psychique. Ah bah c'est bon, j'avais jeté le bon nombre de dés. Et bah ça marche. J'avais anticipé le truc visiblement. Eh bien, ça fonctionne, parce que du coup, sur 5D, je n'ai fait qu'une réussite, dont un déclencheur. Tu le vois qui, d'un coup, commence à se décomposer. Et son masque, alors pas son masque physique, mais son masque, on va dire, psychique, en tout cas, son masque de chroniqueur a été retiré, se décompose à nouveau. Le deuxième masque tombe. Et tu vois les larmes lui monter aux yeux. Il commence à paniquer, il regarde à droite, à gauche. Tu sens, toi, qu'à ta main, au niveau de ses épaules et de son cou, le pouls commence à s'accélérer, ainsi que son souffle. Et tu vois qu'il dit, mais non, il n'aurait quand même... C'est ridicule, ce que vous racontez. Ce sont nos alliés. Je dis trois fois rien. Écoutez, moi et cette pie, nous entretenons une... Vous ne pouvez pas comprendre. Alors, je peux comprendre, t'inquiète pas. Mais tu vas parler. Je sais que tu peux penser que c'est quelque chose d'unique que t'as, mais... Avec le temps, t'oublieras, on oublie tous. Et on devient des gens plus forts. Maintenant, si tu veux avoir l'opportunité de devenir quelqu'un de plus fort, tu parles. Je veux savoir absolument tout ce que cette nuée de cafards... savent. Elle est la seule au courant, vous ne comprenez pas. Elle ne travaille pas pour eux, elle est avec nous. Une fois que tout sera fini, on s'enfuira ensemble. Loin de toutes ces histoires. Je peux t'assurer que s'enfuir avec une pie, ça finit rarement bien. Elle est la seule au courant. Écoutez, de toute façon, nous pouvons la faire confiance. Quel intérêt aurait-il à saboter l'opération? Ils sont de notre côté. Les fléaux ne pactisent pas avec les cafards, comme vous dites. Ok, je pense que je vais... lâcher très vite ses épaules et aller pour sa gorge avec mes deux mains. Okay. Tu vois qu'il commence à essayer de crier. Je serre le plus fort possible pour l'empêcher de crier. Tu commences à l'étouffer un peu. Tu sens par contre que d'une seconde à l'autre, quelqu'un pourrait vous remarquer. Hein. Ouais, clairement. Ok, ouais, tu t'en fous. Ok, tu commences à resserrer tes mains au niveau de son cou. Il commence à paniquer, à devenir tout rouge. Il commence à essayer de te séparer les doigts. Si je vois qu'il commence un peu à faiblir, je délie un peu mes mains et je lui dis « Si tu veux avoir l'opportunité de faire cette erreur qui est de t'enfuir avec une pie, alors dis-moi ce que tu lui as dit, mot pour mot. » Tu vois qu'il reprend un peu son souffle. Cette fois-ci, il fait plus du tout attention aux gens autour. Et juste, il te regarde et il dit « Juste, dis... » Le plan, celui que Mirage a expliqué, c'est tout. Je lui ai dit ce que nous avions prévu de faire, je lui ai dit où étaient nos hommes. Elle sait tout. Écoutez, vous ne pouvez pas comprendre... Elle a besoin de mon aide, d'accord? Elle a besoin de mon aide. Vous ne comprenez pas le genre de type qui est Crotal. Écoute, t'as peu de temps avant que je recommence à serrer. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est juste... Un allié certes efficace, mais un piètre être humain... Je vais le lâcher, je vais juste le pousser pour qu'il tombe au sol, je vais le lâcher et je vais... j'imagine que je vais le laisser, honnêtement, ils servent à rien ces gens. Je vais laisser me barrer, aller remplir ma mission du mieux que je peux pour l'instant. Tu vas pas voir Mirage du coup? Je partais du principe qu'il y avait comme que... Ouais, en fait, dans la temporalité, j'imaginais que je m'étais attaqué à lui avant que vous partiez tous les deux, mais si vous avez eu le temps de partir, je vais quand même aller vous interrompre pour vous dire que oui, vous avez un traître, mais ouais. Pendant ce temps-là, du coup, on va reprendre à peu près au début de la discussion. Toi, Jacquard, tu es arrivé avec Mirage. Tu vois qu'elle est un peu occupée, elle t'a dit oui, excusez-moi, Jacquard, oui. C'est important. Je l'attrape par le bras et je la mets dans un coin. Voilà. Écoutez-moi, j'ai une proposition à vous faire. Une proposition. Ça va être très court. Arkfil est un imbécile et il ne sait pas, pas ce qu'il fait. De toute façon, vous n'avez pas besoin de lui. Vous avez besoin de lui uniquement pendant la phase de l'assaut. Je vous débarrasse de lui et je vous laisse le champ libre pour faire ce que vous voulez au niveau de la loi de la milice de cette putain de ville. Une fois que l'opération sera faite, en échange, vous me donnez l'occasion de m'en aller. Le temps n'est pas à la conspiration, mais est-ce que vous êtes malade, vous risquez... Est-ce que vous savez ce que vous risquez pour les propos que vous venez de tenir ? Écoutez, Jacquard, je comprends que vous soyez en train de paniquer. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, d'accord ? Écoutez-moi, Arkfil m'a envoyé me suicider. Il m'a donné une mission que je peux pas remplir. Qu'est-ce qu'il vous a demandé ? De tuer un homme beaucoup trop fort pour moi. Bref. Et de toute façon, Arkfil n'est pas un homme fiable. Vous pouvez le remplacer par n'importe qui. Vous pouvez mettre la résistance, que vous aurez bien moins de mal à contrôler par la suite. Arkfil que cet imbécile. Arkfil est un homme qui a... Il a été envoyé par Archol lui-même sur cette opération. La confiance en lui, Jacquard. Si jamais vous pensez mieux valoir que cet homme pour le futur de Toulon, alors nous pourrons en rediscuter. Mais en attendant, nous ne devons pas perdre notre objectif de vue. Car si les choses continuent ainsi, nous allons rater notre cible. Est-ce que vous comprenez ? Tout ce que je vous demande, laissez-moi l'abattre à la fin. Du moins, ne dites rien. Donnez-moi votre accord, c'est tout ce que je demande. Et une fois que... Et je vous dis que... Il aura le temps de faire tout ce qu'il fera. Il aura le temps de commander ses troupes, tout ça. Mais il trouvera la mort de façon inopportune. Un fléau sera passé par là. Jacquard, mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie que vous a gagnée, mon ami ? Vous ne pouvez pas vous en prendre à l'un des nôtres comme ça. Mais c'est ça que vous ne comprenez pas. Il n'est pas l'un des vôtres. Il n'a que les intérêts du culte, son culte, dans tête. Vous pouvez gagner, vous pouvez faire gagner le culte des chroniqueurs. C'est ça que je vous propose, le contrôle total de Toulon. Je ne travaille pas pour les chroniqueurs. Je travaille pour... Le protectorat ? Le protectorat. Écoutez, nous nous occuperons de Arkfil plus tard. Laissez-le en vie, d'accord ? Ses hommes sont fiables, ses ordres sont fiables. C'est un vétéran, il a de l'expérience. Plus que vous. Je pense qu'il a vu... des choses que vous ne pourriez pas imaginer. Et qu'il est mieux à même que n'importe qui à surmonter cette opération. Mais c'est un imbécile Vislard qui ne pense qu'à vous planter un couteau dans le dos. Vous croyez vraiment qu'il va se laisser dominer ? Non, il va vouloir prendre le contrôle de la ville. C'est un conjure, il n'est pas fiable. Certes, je l'ai agressé, maintenant vous trouvez ça normal qu'il ait envoyé faire une mission suicide ? Qu'est-ce que c'est que cette mission suicide ? Vous avez 5 minutes. Je dois assassiner un tueur de juges en LVCI, un homme qui a déjà tué une dizaine de juges, qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Vous ne vous en sentez pas capable ? Peut-être que c'est simplement vous qui n'êtes pas à la hauteur. Il est chez les Elvelt ! Comprenez ça ? Vous voulez tuer un Helvétique ? Un Helvétique, vous êtes sûr ? J'en suis sûr ! Attendez. Vous ne parlez pas de Baptiste. Le déserteur, c'est son portrait est placardé dans n'importe quel avant-poste. Attendez, oui, je réfléchis dans ma mémoire. Oui, je crois que c'est bien ça. Oui, c'est Baptiste, l'Helvétique. En effet, oubliez cette mission. Concentrez-vous sur le fait de reprendre Toulon. Nous nous arrangerons plus tard, ne vous inquiétez pas. Vous serez honoré, vous recevrez une médaille et un bon poste. Tranquille. Mais je m'en fous, je veux être ferme. Écoutez, Jacquard, sincèrement, je suis sincèrement désolé. Laissez-moi m'en aller. Nous en reparlerons plus tard, d'accord? Et tu vois qu'elle sort. On va faire un test. Un test on de clap. Quoi, je ne sais pas. Fais-moi un test de discrétion, Jacquard. Puisque Arkfil était juste derrière toi. Agilité. Non. 4D. Agilité, stealth, ok. Trois réussites, dont deux déclencheurs. Au moment où Mirage s'en va, une voix retentit derrière toi. J'ai l'impression que vous auriez bien besoin d'un coup de main. Une voix qui pourrait te paraître de manière assez lointaine, presque comme un écho venu d'un rêve ou autre, familière. Et là-dessus, nous allons repasser à Toric et Efflux. Toric, vous êtes un peu éloigné de la foule. Vous êtes recueilli au niveau entre deux bâtiments dans ce qui semble être une espèce de petite ruelle. Mmh. À l'intérieur, vous avez déposé Dobby, qui est en train de se vider de son sang, de le sang qui commence maintenant à lui couler par la bouche. Alors, quels sont déjà ce que j'ai pu avec ce que j'ai fait comme jet, quelles sont les zones qui ont été le plus touchées? Okay. Tu vas me refaire un test de médecine, s'il te plaît. Je peux aussi, moi aussi, aider, parce que depuis tout à l'heure, je suis très passif, genre, j'ai vraiment envie d'aider. Fais-moi un test de médecine. Et bah, du coup, j'ai fait 3 réussites. Ok. Je cherche médecine sur ma fiche, pardon. Ah, c'est bon, j'ai. Ok. J'en ai 6. Deux réussites, dont un déclencheur. Très bien. Donc ça fait un point en plus. Tu peux jeter un dé supplémentaire, Toric, grâce à Efflux qui t'a eu. Ça fait un succès de plus. Ok, tu as fait combien de succès en tout, tu m'as dit? Alors, 4. 4. En tout, du coup? En tout, bah, en tout, oui. Ok, parfait. Tu vois que malheureusement la blessure est profonde et grave, plusieurs organes vitaux ont été touchés. Il est en train de se vider de son sang avec le matériel adapté, tu pourrais probablement le sauver. En tout cas, ce serait envisageable de l'opérer d'urgence, malheureusement vous vous trouvez au milieu de nulle part, la route est barrée par une émeute. Donc, et il a perdu énormément de sang, tu penses malheureusement... Il ne va pas s'en sortir. Alors, on est dans les ferraillis, on est d'accord. Mmh. Alors, non, c'est pas faisable. Il n'y a pas de tyrolienne. Mais tu n'es pas là, tu ne sais pas ce que je... Tu n'es pas là. c'est non, je rigole. J'ai une voix dans ma tête qui m'a dit que... ouais, parce que là, en fait, mon cerveau il fulmine, il essaie de trouver une solution, un truc qui pourrait arriver, quelque chose qu'il n'aurait pas pensé. Est-ce que je pourrais pas avoir un jet, genre une idée magique, un truc ou une information que j'aurais oublié qui pourrait m'aider? Bah, est-ce que, au contraire, si Toric partage le fait qu'il y a un manque de matériel et tout? Est-ce que moi, mes connaissances de type savoir récupérer du matériel sur le moment pour en faire des trucs, est-ce que je peux pas bidouiller quelque chose pour, si ce n'est le sauver, au moins temporiser la situation? Tu peux tenter, tu vas me faire un test d'intellect engineering, ouais. Donc compétences dans lesquelles tu as... J'utilise un ego. C'est très dangereux dans cette période-là d'utiliser un ego, mais j'utilise un ego. Tiens, un point d'égo. Je passe donc à 9 points d'égo sur 12. Voilà. Oh ! Ça fait 3 réussites, dont un déclencheur. Ok. Tu ramasses ce que tu peux. Tu essaies de bricoler un genre d'attelle, un truc qui va vous permettre d'aider à le transporter. d'essayer de faire de meilleures compresses, de trouver une corde pour pouvoir la tenir au maximum. Un fond de bouteille, à savoir si tu pourrais l'utiliser pour désinfecter. Tout ce que tu peux trouver dans les... la poubelle juste à côté, les... tout ce que tu trouves à quelques mètres autour dans cette espèce de petite ruelle. Toutes les bricoles qui ont été jetées ici. Oui, il faut tenter le tout pour le tout. On va essayer de maintenant de d'aller au plus, le plus rapidement possible à l'orage pour le voilà. Si on au moins on aura tout essayé et si malheureusement il ne tient pas, il ne survit pas, au moins on l'aura essayé. Voilà. Mais il faut tout tenter. Vous avez Dobby qui à ce moment-là puise dans ses probablement parmi ses dernières forces. Et qui vous dit j'ai peut-être une idée. Vas-y, dis-moi tout. Une peau d'Imiute que j'ai volée à cet Anubien. Elle est où? Et à ce moment-là, il commence à rigoler. Et puis, il vous dit, vous êtes amusant, mais un peu ridicule, je dois bien l'avouer. Écoutez, si vous, sous votre respect, docteur, si je dois mourir, ce sera pas parmi les hospitaliers. Écoute, c'est ton choix, je respecterai. Je respecterai, mais maintenant, tu peux bien penser que je ne peux pas te laisser mourir comme ça. Maintenant, si tu décides toi qu'il est temps pour toi de partir et que c'est pas la peine de s'acharner, eh bien, je respecterai ton choix. Portez-moi jusqu'à mes hommes. Ok. Je ne mourrai pas dans une ruelle comme un ivrogne. D'accord. Bah pendant que on le porte rejoindre ses hommes, est-ce que je vais en profiter du coup pour essayer de récupérer le plus d'informations qui pourraient nous être utiles pendant cette révolution finalement ce coup parce que on aurait eu normalement besoin de ses talents et de ses compétences. S'il a peut-être déjà un successeur, quelqu'un qui va prendre la relève. Tu vois qu'il n'a pas vraiment la force de te répondre. Ouais. Et qu'au moment où vous l'amenez au niveau de la foule, ses bras droits, puis même d'autres gars qu'il connaissait, il avait quand même une petite réputation, notamment depuis l'espèce de projet, depuis que vous aviez récupéré les caisses et que vous avez fait les expéditions. C'était rare, hein, les expéditions comme ça dans les marais. Il avait quand même acquis une certaine renommée. Il avait quand même... gagné en réputation auprès des ferrailleurs. Mmh. Et vous l'amenez ainsi au milieu d'entre eux. À ce moment-là, la tête de cortège a un peu avancé et progressé en direction de cour argent. Et vous voyez qu'il se tient debout comme il peut sur l'espèce d'attelle qu'avait fabriqué et bricolé à Flux au dernier moment avec un morceau de tuyau. Et puis qui s'allume un dernier cigare. Pour la première fois, vous le voyez tousser au moment où il le porte à la bouche et il tousse un mélange de fumée et de sang. Les gens s'arrêtent autour pour l'écouter. Mes amis, mes camarades, mes frères, je crois qu'il est temps pour moi de vous dire adieu. J'ai longtemps rêvé d'un Toulon qui nous appartiendrait. Il tombe à moitié, il est sur le point de s'écrouler. Il y a des gars derrière qui le récupèrent et qui le redressent. Il tient même plus debout. Un Toulon où nous serions libre et uni. fait de ce rêve une réalité pour moi. Je vois cette ville. Je la vois en face de moi, elle m'appelle. Et je vous y rejoindrai bientôt. À ce moment-là, son regard se perd, il devient à moitié livide. Sa tête bascule en arrière. Tandis qu'en face de lui, vous voyez la fumée des premiers affrontements commencer à s'élever dans le ciel. Sous le bruit et vacarme tonitruant des rixes qui ont lieu au niveau du pont du district. Vous remarquez également, au moment où ce dernier lève la tête, à travers ces fameux nuages de fumée, un drone vous survole. Et un peu comme les autres, ce dernier a quelque chose de familier. Nous allons repasser à vous, Flux et... Jacquard et Mokosh. Jacquard, face à toi se trouve un juge. Un juge noir, l'un des sous-fifres d'Arkville, qui visiblement a espionné ta discussion avec Mirage. Tu n'avais même pas remarqué qu'il était là. Il était vraiment tapis dans le coin de la pièce et visiblement prêté l'oreille. Je peux peut-être vous aider. Parle. Écoutez. Arkville n'est qu'un pantin. N'écoutez pas ce que dit Mirage. Archon. C'est lui qui bosse pour les chroniqueurs, c'est ça? Je le savais. Archon n'a que faire de ce pion. Il le sacrifiera à la première occasion. L'opération en cours est bien mal partie. Nous devons nous assurer que les choses se passent comme prévu. Si vous souhaitez vous débarrasser d'Arkville, je vous aiderai. Mais nous ne devons pas entraver l'opération. Vous avez ma parole. Jurez-le. Et là, je tends ma main qui est pas mécanique. Tu vois qu'il tend sa main. Je vous le promets. Bah, grosse panique. Considérez ça comme... La reconnaissance d'un vieil ami. Ouais, vous m'en direz tant. À ce moment-là, Mokosh, tu rejoins le reste du groupe. Désolé de vous déranger. Il semblerait que votre second soit un traître. Donc je vous laisse vous occuper de ça. Je propose une exécution immédiate. Il y a trop d'informations importantes et j'ai des choses à faire. Un traître, qu'est-ce que vous me racontez? C'est Mirage qui parle. Votre ami ne réfléchit pas, il s'est laissé diriger par ses basses pulsions. Et il ne vaut rien, il a donné toutes les informations à cette lapine de la nuée du phénix. Très mauvaise idée de toute manière de travailler avec eux. Alors débarrassez-vous-en. Vous êtes la deuxième personne de votre groupe à venir me demander de me retourner contre mes hommes. Combien est-ce que Hamza vous a acheté pour faire saboter mon opération? Est-ce que vous voulez de cette information? Ça ne m'intéresse pas. J'ai des choses plus intéressantes à faire. plus intéressante que l'avenir de cette ville, que ce peuple opprimé. Arrêtez. Abandonné du protectorat. Mokosh, viens, c'est mais... qu'une idéaliste et cervelée de toute façon. Oui, je vois ça. Bon, je suis désolé, j'ai une ville à prendre. Hors de ma vie. Je m'en vais. Bon, bah, finalement... Je... Vous, Mokosh. Tu vois, juste au dernier moment où tu te recules. Ah oui. J'espère bien que vous n'êtes pas passé de l'autre côté. Vous risqueriez d'être jugé pour crime de guerre. Essayez un peu. Je suis déjà revenu d'entre les morts. De toute manière, je le referai. Bon, bah, finalement, je te suis, ma coche. Allons-y. Ok. Mokosh, lorsque tu arrives au niveau de Jakar, tu le vois en train de parler avec un juge. Ils viennent de se serrer la main. Mmh. Et ce dernier te dit « Enchanté, vous pouvez m'appeler Fleming. » Reçu. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On verra ça plus tard. Hein. Faites ce que vous avez à faire. Nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Je suis à la mairie, si jamais vous me cherchez. Très bien. Je vais tenter de retrouver le reste des juges. Ah, pas les miens. J'en ai besoin. En effet, non, pas les vôtres. Et ils sont... On se met en route, j'imagine. Quoi ? On se met en route, j'imagine. Oui. Voilà ce que je te propose. On prend une barque. En espérant en trouver une, bien sûr. Hein, mais... Et on fonce vers le Saint-Chenil. On réunit mes hommes et les hommes de la Sacrée Rouge. Et on prend d'assaut la mairie. Quoique, attends. Ah. Oui, non, c'est parfait, en fait. On prend un rendez-vous, Sacristie Rouge. Très bien. Hop là, très bien. Quelques instants plus tard, vous êtes de nouveau à l'extérieur, en train de traverser la foule. Vous distinguez au loin les silhouettes de Flux et Tori. Est-ce que vous profitez de quelques instants pour rentrer en contact les uns avec les autres ? Bah oui, tiens, de toute façon, on a Influx, il est censé nous aider dans notre mission, non ? En vous approchant, vous retrouvez ces derniers côte à côte avec le corps sans vie de Dobby. Un cigare allumé à la main et un autre éteint dans la main. Qui tient entre ses deux doigts et le briquet avec les derniers, comme s'il avait souhaité l'allumer également. Je vais lui ramasser son cigare. Allumé. Les gens autour, qui semblent sécher leurs larmes et s'emparer de barres de fer, de pavés. Tandis qu'à côté, la silhouette d'Eisenhower apparaît. Et derrière lui, d'autres frères de l'acier transportant des brouettes chargées de caisses que vous connaissez bien. Ces dernières ouvertes servent à distribuer des grenades. Ce qui ressemble à de la TNT également. À différentes. Enfin, aux différents, du coup, frères de l'acier. Nestor se lève au niveau d'une espèce de petit promontoire et entame un discours galvanisant. Où il indique aux frères de l'acier qu'ils doivent se rendre et poursuivre l'assaut jusqu'au palais de Hamza. Pendant ce temps-là, vous, qu'est-ce que vous faites ? Flux. On doit aller prendre la mairie. L'opération commence. Allons-y. On avance. Bon, Toric, tu vas à l'hôpital ou tu nous accompagnes alors? Bah, je suis là maintenant. Oui, mais tu vas à l'hôpital ou tu nous accompagnes? Tu comprends les questions? Tu comprends la situation? Ah ben si, tu comprends qu'il faut... Hein, on n'a pas le temps. J'y allais pour Dobby. Tu crois qu'il est dans quel état maintenant? Il est mort, Dobby. On s'en fout, on y va, allez. Cécile. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bah, on y va! Je sais pas. Bah, bon, donc il vient ou il va? Autorique, il le dit pas tout à l'heure. Bah oui, j'y vais! Okay. Ok, bah il vient. En gros, bah. Ouais. Nous allons chercher nos troupes respectives. Genre, moi, les Anabaptistes et Torix, c'est sa milice de juge. Ok, donc. Oui, vous... Alors, on va faire Jacquard. D'accord. La raison avec le complot des cultes là, parce que là, je suis vraiment perdu, je comprends plus rien. Alors, si jamais. C'est juste une petite question, parce que du coup, je suis un peu perdu dans le temps. Le moment où. Du coup, on réveille tout le monde, etc. C'est maintenant, c'est-à-dire que là, c'est le moment où je dois passer, moi, à Saint-Chenil pour que les gens fassent un peu révolte dans les rues, que ça fasse chier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, tu peux faire okay. Ça, toi aussi, c'est vrai. Oui, quand même, enfin, genre... C'est vrai. Mais même si on raconte qu'à Skip, je n'ai rien fait, c'est pas... Voilà, c'est pas vrai, hein. Faux, comme dirait l'autre. Du coup, vous trouvez... Donc, vous trouvez une barque, si j'ai bien compris, pour traverser. Ouais. Ok, ouais. Je vous demande pas de test, vous finissiez par en trouver une, hein, c'est pas ça qui manque. Je mets les mains au pire, devant les yeux de Flux, parce qu'il est dans une barque. Vous traversez le port, entre les différents bateaux, sur ces derniers, au loin, vous voyez les silhouettes tout autour dans les rues qui commencent à se battre. Et alors que vous traversez le fleuve, enfin le port, vous entendez le bruit tonitruant d'une explosion qui ravage l'axe d'argent. Suivi d'une deuxième au niveau des casernes. Et enfin, une troisième au niveau du pont. Vous voyez le niveau de l'eau commencer à monter et des espèces d'énormes vagues se diriger dans votre direction. Qui manque de renverser votre barque. Heureusement, parce que je suis pas certain que vous sachiez nager. Vous finissez par arriver de l'autre côté, tandis que dans les rues, vous voyez au loin les silhouettes se déverser jusqu'à Courage. À ce moment-là, Mokosh, tu es accueilli par tes hommes, tes différents hommes, les soldats, les orgastiques. Que se passe-t-il? Assemblez tout le monde. Très bien, ils vous attendent dans la cour juste devant l'église. Bien. Ben, je m'y rends. Ok, très bien. Pendant ce temps-là, les autres? Bah moi, personnellement, je vais Saint-Chenil et il est temps de faire réveiller le peuple. Très bien. Je vais accompagner, je vais accompagner Flux. Non. Non? Je peux pas? Je dois prêcher seul ça, ma paroisse. Vais... Parle à ma main. Et ben, s'il y a des gens qui sont pas bien, je vais essayer de les soigner. Voilà. Très bien. Moi, je vais à la caserne des juges. Voilà. Très bien. Donc, est-ce que j'avais pas un corps magique que je faisais et ça a amené tous les hospitaliers? Ça serait bien. Qu'est-ce que vous leur dites, Flux? Tu te rends au niveau de Sacré Amiel. Yes. Très silencieux tout à coup. Les miséreux semblent avoir compris que quelque chose se passait. Ils sont réunis, essaient d'observer de loin, théorisent entre eux. Il va falloir comprendre que lorsque j'arrive, c'est pas vraiment Flux qui arrive. C'est LE Flux qui arrive. C'est la version où tout est allumé, il y a de l'électricité qui sort, ça. Ça flash, faut qu'il y a le côté... Okay. Il y a le côté divin là, tu vois, il y avait. Qui semble en permanence plongé dans une nuit sans fin au milieu de la brume, de la misère et des ruelles sombres. D'un seul coup, s'éclaire, tandis qu'une silhouette luminante et rayonnante avance. Ces miséreux sont tous un peu entassés les uns les autres, on dirait un tableau tel que le radeau de la Méduse. Sauf qu'au loin, ils observent une ville qu'il va peut-être bientôt sombrer dans les flammes. On voit la fumée noire des explosions commanditées par la nuée du phénix. Oula, la nuée du phénix se répandre à travers la ville. Visiblement, en tout cas, même si vous pensez qu'ils vous trahissent, ils ont honoré leur part du marché. Et le plan se passe. Pendant ce temps-là, les troupes de Mokosh se rassemblent et les faux juges s'équipent en voyant leur chef également arriver. Dites-moi tous globalement le premier mot que vous leur donnez, la première ordre, le discours que vous leur faites. Flux, on va commencer par toi. Ok. De mon côté, bien entendu, c'est peuple de Saint-Chenil. Le temps est venu de récupérer ce qu'on vous a toujours retiré. Et après, je fais une petite tirade. Je fais la version courte pour laisser tout le monde parler, mais voilà. L'idée, c'est que je commence là-dessus, et après, une tirade pour bien indiquer que il faut me suivre et être prêt à se battre pour récupérer leur dignité. Très bien. De ton côté, Mokosh. Moi, c'est simple. Je vais me placer devant tout le monde. Je vais prendre mon espadon, je vais le soulever dans le ciel et je vais simplement dire « Aujourd'hui, dans une rivière de sang, nous amènerons à Perperus et Kerebus une troisième sœur. Toulon sera anabaptiste ou ne sera plus. » Tu vois les soldats déchaîner des cris de guerre anabaptistes. Lever leurs armes en l'air et répéter très préceptes. Voilà. Et je pointe mon épée en direction vaguement de l'horizon, dans la direction que je vais citer à haute voix directement. Et nous prenons Avéricain, sa mairie et son quartier. À ce moment-là, les hommes se mettent en marche. Hommes et femmes orgiastiques récupèrent leurs bourgeons pour ceux qui en ont. Dégainent leurs armes qui étaient prêtes au combat. Lèvent les yeux au ciel en suivant la pointe de ton épée qui réverbère la lumière, le peu de lumière qui reste jusqu'au niveau de la mairie, mais également au loin derrière du palais. Et se déchaîne petit à petit dans les rues de Port-Lagagne. Efflux, Jacquard, pardon. De ton côté, les faux juges. Ouais. Alors, Jacquard, il va rentrer dans la caserne et d'un sec mais très fort, d'une seule traite, il va dire « Tous dehors !» Et il va se placer sur ce bio, cette espèce de petit promontoire où il avait exécuté pour la première fois... un criminel en plein milieu, et donc à la fois à la populace et à ses juges, il va s'élancer et dire « Camarades, aujourd'hui l'injustice prend fin, il est grand temps pour nous de prendre nos affaires enfin, nos mains, et de nous battre. Abat Vérican, abat la corruption, abat les impôts, justice pour Saint-Genil, tous à la mairie !» Pareil, ils dégainent leur masse, leur marteau. Efflux, décidément, j'ai un truc avec Efflux. Il n'y a que Efflux qui peut parler. Devant toi, tu vois défiler les hordes d'Amanabaptiste. Suivi, quelques temps plus tard, des hordes de faux juges menées par Jacquard. suivi, quelque temps plus tard, par Efflux et les différentes âmes égarées, celles en tout cas qui tenaient encore debout. Tu te dis que tu vas probablement avoir du boulot. Heureusement pour t'aider, Dali, la 7 qui faisait partie donc de la sacristie rouge, accompagnée d'une horde de soigneurs et d'alchimistes anabaptistes, commence à apparaître depuis l'orphelinat. Alors, est-ce qu'il y a également mes petits élèves hospitaliers? En effet, ils sont également là. Il va être, ça va être temps pour eux de passer à la pratique. Du coup, bah, moi, je vais simplement dire que... aujourd'hui, l'hôpital, ainsi que ses hospitaliers et vos enfants ici présents, nous sommes au service de votre libération. Comptez sur nous pour venir au secours des blessés et des gens qui en auront besoin en ce jour. Vous pouvez compter sur nous. Très bien. Pendant ce temps-là, tandis que la fumée noire des trois explosions forme une espèce de voile qui plane au-dessus de Toulon, que vos armées respectives sont en train d'avancer vers le nord, nous allons survoler un peu la zone en suivant cette espèce de petit drone qui porte un œil au-dessus de tout ça. Nous pouvons voir, sous le commandement de Nestor et Eisenhower, le gros des troupes des Frères de l'Acier se diriger en direction du palais. La plupart de la milice, des membres de la milice des Fléaux, qui se trouvaient dans la caserne, ont subi énormément de pertes lors des explosions. Malgré le fait qu'elles n'aient pas eu l'effet escompté, il semblerait que la nuée ait fait du bon boulot. Vous voyez les grenades fusées dans les rues, vous entendez le bruit des tirs résonner au loin, le sang qui coule. Il sera difficile de décider et de déterminer à l'avance si oui ou non l'assaut portera son fruit. En tout cas, il est bel et bien lancé comme une machine inarrêtable, lancée à pleine vitesse. Pendant ce temps-là, tout comme il leur a été ordonné, Daesh, cette espèce de ferrailleur à l'accent bourcan, et ses sbires attaquent le consulat et tentent, eux, de capturer Zora. Et ainsi d'avoir un otage dans la famille de Hamza.